le père Barbeau vient alors voir la fadette pour s'assurer qu'elle ne lui en veut plus, que Landry ignorait tout de sa richesse pécuniaire et l'aimait seulement pour ses beaux yeux, et qu'il était toujours amoureux d'elle, le seul problème étant le refus de ses parents. Satisfait des réponses de la petite fadette, il put alors lui dire « Pour ainsi, Fanchon Fadé, je viens vous demander d'épouser mon fils et, si vous dites oui, il sera ici dans 8 jours. » Cette ouverture, qu'elle avait bien prévue, rendit la petite fadette bien contente, mais ne voulant pas le laisser voir, parce qu'elle voulait à tout jamais être respectée de sa future famille, elle n'y répondit qu'avec ménagement. Et alors, le père Barbeau lui dit « Je vois, ma fille, qu'il vous reste quelque chose sur le cœur contre moi et contre les miens. N'exigez pas qu'un homme de mon âge vous fasse des excuses. Contentez-vous d'une bonne parole. Et quand je vous dis que vous serez aimé et estimé chez nous, rapportez-vous-en au père Barbeau, qui n'a encore trompé personne. Allons, voulez-vous donner le baiser de paix au tuteur que vous étiez choisi, ou au père qui veut vous adopter ?» La petite fadette ne put se défendre plus longtemps. Elle jeta ses bras au cou du père Barbeau, et son vieux cœur en fut tout réjoui. Leurs conventions furent bientôt faites. Le mariage eut lieu sitôt la fin du deuil de Fanchon. Il ne s'agissait plus que de faire revenir Landry. Mais quand la mère Barbeau vint voir Fanchon le soir même pour l'embrasser et donner sa bénédiction, elle objecta qu'à la nouvelle du prochain mariage de son frère, Sylvinet était retombé malade, et elle demandait qu'on attendît encore quelques jours pour le guérir ou le consoler. « Vous avez fait une faute, mère Barbeau, » dit la petite fadette, en confirmant à Sylvinet qui n'avait point rêvé en me voyant, à côté, au sortir de sa fièvre. À présent, son idée contrariera la mienne, et je n'aurai plus la même vertu pour le guérir pendant son sommeil. Il se peut même qu'il me repousse, et que ma présence empire son mal. « Je ne le pense point, » répondit la mère Barbeau, car, tantôt, se sentant mal, il s'est couché en disant « Où est donc cette fadette? Mais t'as vu qu'elle m'avait soulagé. Est-ce qu'elle ne reviendra plus ?» Et je lui dis que je venais vous chercher, dont il apparut content et même impatient. « J'y vais, » répondit la fadette. « Seulement cette fois, il faudra que je m'y prenne autrement, car, je vous le dis, ce qui me réussissait avec lui, lorsqu'il ne me savait point là, n'opérera plus. « Et ne prenez-vous donc avec vous ni drogue ni remède ?» dit la mère Barbeau. « Non, » dit la fadette, « son corps n'est pas bien malade, c'est à son esprit que j'ai affaire. Je vais essayer d'y faire entrer le mien, mais je ne vous promets point de réussir. Ce que je puis vous promettre, c'est d'attendre patiemment le retour de Landry et de ne pas vous demander de l'avertir avant que nous n'ayons tout à fait fait ce qu'il faut pour amener son frère à la santé. Landry me l'a si fortement recommandé que je sais qu'il m'approuvera d'avoir retardé son retour et son contentement. »